Lettre 104e, Marcius Alpinus Ascribonianus, Nicomédie, mai 305. L'oiseau va se jeter dans nos filets. C'est à toi avoir soin de l'étendre. Le messager qui te porte cette lettre part 2 heures avant Constantin. Il s'imagine avoir attrapé Auguste. Nous lui laisserons le plaisir de se délecter quelques instants de cette orgueilleuse présomption. Une tentative simulée pour s'emparer de sa personne a accéléré son projet. L'arrêter ici, au milieu des troupes dont il est l'idole, n'était pas sans danger. Toi, tu l'arrêtes sans le savoir, et tu ne l'envoies avec une forte escorte, mais sous le plus grand secret, car le peuple l'aime, et l'armée lui est dévouée. Adieu, en toute hâte. Pense que tout dépend de ta prudence.